Les deux aveux par Paul Bourget. Chapitre 1er. Eh bien, monsieur le juge d'instruction, que dis-tu de cela ? Et maître Cantel, le grand notaire de Rion, à peine entré dans le cabinet de son ami, le juge Pingré, sortit de sa poche deux billets de 1000 francs qu'il agita d'un geste ironique devant le magistrat. Tu as retrouvé ton argent ? Interrogea celui-ci, toujours flegmatique. On ne t'avait donc pas volé ? On m'avait parfaitement volé, répondit le notaire. « Mais on a restitué. »« On ?» insista Pingré. « Ce n'était pas ton second clerc ?»« C'était mon second clerc. J'avais raison de le soupçonner, tu vois. Et tu avais tort de le défendre. »« Un vieux basochien peut être plus malin qu'un juge d'instruction. Hé. » Et un rire d'orgueil éclaira sa bouche et ses yeux, aussitôt remplacés par une expression de tristesse. Maître Artem Cantel était un homme de 50 ans, trapu et carré comme un véritable Auvergnat, avec de grands traits qui révélaient une origine paysanne pas très lointaine. Mais sa tenue, l'air d'affirmation comme répandu sur toute sa personne, disait aussi le bourgeois, grandi et nourri dans un milieu bien établi. Ce milieu, c'était son étude. Il y avait vécu tout enfant, son père exerçant les fonctions de premier clerc. Il y avait été clerc lui-même. Puis, ayant épousé la fille du patron, il avait très naturellement hérité de la charge. Il avait pris son métier au sérieux, et il en possédait toutes les vertus, celles que résume ce mot, défigurées par l'hypocrisie, mais si beau quand il correspond à des choses vraies, c'était le cas pour Cantel, l'honorabilité. De constater qu'un des jeunes gens attachés à sa chère étude avait pu commettre un vol lui était affreusement pénible. Après avoir, au premier moment, triomphé dans une de ses rivalités professionnelles comme il en surgit, entre amis de métiers voisins, il cédait maintenant un sentiment plus généreux. « Tout de même, ajouta-t-il, j'aurais préféré que tu aies raison. »« Je ne t'ai pas dit que ce Germain Moreuil n'était pas coupable, » rectifia le juge. Celui-ci, ancien camarade du notaire au lycée de Clermont, n'était Auvergnat qu'à demi. Son père, d'origine provençale, venu à Clermont comme professeur à la faculté des lettres, s'y était marié. Il y était mort. Sa veuve y était restée. Honora Pingré avait épousé une riomoise apparentée au Cantel. Il s'était fait nommer, à cause de sa femme et de sa mère, dans la vieille cité de la Limagne. Coup sur coup, il les avait perdus, mais cette parenté l'avait retenu dans ce rion qu'il méditait de ne plus quitter. Le méridional se reconnaissait à ses yeux très bruns, à ses cheveux noirs qui grisonnaient à peine, et aussi à un je ne sais quoi de plus fin, de plus nerveux dans son profil et dans sa structure. La physionomie de la pièce où avait lieu ce dialogue attestait que ce fils d'un Toulonnais et d'une montagnarde du centre s'était épris d'un amour singulier pour la patrie maternelle. Les murs étalaient, sur un rayonnage de bois, une immense collection de minéraux. Ce petit musée géologique rappelait à son créateur d'innombrables excursions, la gypsière au dos, le pic à la main, à la recherche des quartz de la Sioule, des chalcédoines de Cournon, des opales résinites de Gergovie, des olites des volcans. À cette existence de marche et de plein air, Pingré devait d'avoir conservé, en dépit de ses longues séances dans son cabinet de magistrat, une tournure agile et une vigueur nerveuse empreinte sur son osseux visage basané. Son musée, avec ses étiquettes soigneusement collées sur toutes les pierres, révélait aussi un esprit de méthode poussé jusqu'à la minutie, et son ton, pour redresser l'assertion de son visiteur, avec cette sécheresse précise que donne l'habitude des analyses et des discussions. « Je t'ai dit, insista-t-il, que tu partais, pour incriminer ce garçon, sur des données insuffisantes et qui exigeaient un examen plus complet. Du moment qu'il restitue, tout change. Mais comment lui as-tu arraché cet aveu, après qu'il avait nié si obstinément? Tu l'as revu? Pas lui, sa mère. Après la disparition des 2000 francs, tu te rappelles, Moreuil n'était pas revenu à l'étude, sous prétexte de maladie. Du moins, j'avais cru que c'était un prétexte. Ça avait été pour moi un motif de plus de le soupçonner. Et pour moi de douter, interrompit le juge. Cette absence subite, c'était par trop maladroit. Mais oui, insista-t-il sur un geste du notaire, et l'instinct de compatibilité professionnelle excitant Derechef à la discussion. Posons à nouveau les faits. Tu sors de ton cabinet pour reconduire un client jusque dans la rue. Tu laisses tes clés sur un tiroir de ton bureau, où tu viens d'enfermer deux liasses de billets de banque apportées par ce client. Ton second clerc est seul à travailler dans la pièce à côté. Il est au courant de l'affaire que le client avait à régler. Il sait que tu dois recevoir cet argent. Il ne t'entend pas sortir. Il entre dans ton cabinet pour te remettre les pièces qu'il a copiées. Tu n'es pas là. Il va pour poser ses pièces sur le bureau. Il aperçoit le trousseau de clés, as-tu supposé. Il ouvre le tiroir. Il est tenté. Il prend 2 billets de 1 000 francs sur les 20. Tu le vois, 5 minutes après, passer devant toi, qui continue à causer sur le trottoir. Il ne manifeste aucun trouble. Ça, c'est d'un voleur. Mais il ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il sera soupçonné. Alors, ce qui n'est plus d'un voleur, c'est de ne pas revenir le lendemain, sous l'enfantin prétexte d'une maladie qui n'existe pas. Autant se dénoncer tout de suite. « En effet, » répondit le notaire, « et il serait très certainement revenu. Mais par hasard, la maladie existait. Je t'ai raconté ma visite chez lui pour l'interroger. Je t'ai dit que je l'avais trouvé couché avec une mine affreuse. Ce pouvait être l'émotion causée par ma visite, l'épouvante de se voir découvert et convaincu malgré ses dénégations. Non, il était véritablement malade. Le docteur Pacotte est venu de Clermont. Il a diagnostiqué une fièvre typhoïde. Cette nuit, le pauvre garçon, je le plains malgré sa faute, a eu 2 heures de délire, et dans ce délire, il s'est dénoncé lui-même. « Voleur, voleur » criait-il, « j'ai volé 2 000 francs, le tiroir, il y avait 20 billets, il n'en reste que 18, la prison, les assises, la guillotine !» Voilà les mots qu'il n'a cessé de répéter, et il mimait la scène du vol devant sa malheureuse mère qui le veillait. Quelle épreuve! Après qu'il avait eu le front de l'appeler pour me jurer son innocence devant elle, tu te souviens? Oui, fit Pingret. Ainsi, c'était une comédie. Il spéculait sur l'estime où nous tenons tous Madame Moreuil. Et quel mérite, tu vas voir. Devant cet aveu, d'autant plus indiscutable qu'il était plus involontaire, elle n'a pas hésité. Ce matin, le malade s'est endormi. Une voisine s'est offerte. La brave femme a pu quitter son fils un moment. Elle en a profité pour venir droit chez moi, me remettre ses 2 000 francs et me supplier, quand Gervais serait guéri, s'il guérit, de ne pas saisir la justice. Ça va de soi, puisqu'elle restitue. Elle m'a supplié aussi de ne parler à personne. J'ai pu lui promettre le secret absolu. Je l'avais déjà observé, sur ton conseil, vis-à-vis de ma femme et de mon fils. Quant à toi, un juge d'instruction est un confesseur. Voilà donc une affaire liquidée, ou presque. Il reste un parti à prendre. Vais-je garder ce garçon dans mon étude? Le garder? Je ne t'y engage pas, dit le juge. Pourtant, lorsque tu m'as conseillé de ne pas porter plainte contre lui, que m'as-tu objecté? Que je risquais de perdre son avenir, s'il était innocent et si l'on ne trouvait pas le vrai coupable, à cause du soupçon qui pèserait toujours sur lui. Et tu ajoutais, s'il est coupable, c'est une première faute. Il a été irréprochable jusqu'à ce jour. Il peut se repentir, redevenir un honnête homme. Sans doute, répliqua vivement Pingret. Une donnée me manquait, que tu viens de me fournir. Cette vilenie dut m'en constater cette fois, faire couvrir son vol par sa mère. Tu me le donnais au contraire comme un fils passionné, anxieux de s'établir le plus tôt possible pour assurer plus de bien-être à cette mère. C'était même là ton explication de ce vol. Précédemment, il avait, à ta connaissance, joué à la bourse, par l'intermédiaire d'un camarade employé à la succursale riomoise du Grand Comptoir. Tu supposais qu'il s'était laissé tenter par une valeur en train de monter et qu'il avait pris les 2 000 francs avec l'idée qu'un coup définitif lui permettrait cet établissement, l'achat de cette étude à Volvic, qui va être libre. Ça, c'était le voleur romanesque, rara vis interis, mais il est possible. Mon conseil d'indulgence portait sur cette hypothèse. Mais l'escroc, qui sitôt pris à le front, comme tu dis, de faire intervenir sa maman, c'est un coquin fiéfé. Non, non, ne le garde pas. Même à ta place, je mettrai une condition à mon silence. C'est que ce drôle s'engage à changer de carrière, à prendre un métier où il n'y a pas de fonds à manier. Tu as raison, dit le notaire après un silence. À cause de sa mère, je trouverai un prétexte pour que son départ de l'étude ne provoque pas de commentaires. Seulement, il ne sera pas commode à remplacer. Un garçon si intelligent, si exact, si laborieux. Par cette fin d'après-midi, avant de commettre ce vol, il était là, encore à faire la besogne du premier clerc, à classer un dossier que l'autre avait laissé là, pour s'en aller cartonner au café. « Ces hypocrites travailleurs sont les pires, » dit le juge. « Réjouis-toi que celui-là soit démasqué. L'automne prochain, ton fils aura fini son droit. Tu lui donneras la place de Gervais Moreuil. D'ici là, tu serres un peu la vis à messieurs Téclair. Et surtout pas de sentimentalisme autour de ce jeune brigand, qui n'a même pas le mérite de son aveu. Il a parlé dans le délire. Profite de l'occasion pour insister auprès d'Edmond, afin qu'il ne rate pas son examen, puisque tu vas avoir besoin de lui plus tôt qu'il ne le pensait.